Oh, la plage. Yeah, oh, la plage. Ok, la plage. Et nous voici de retour pour la plage. Enfin, maintenant, c'est le plateau s'est transformé en immense plateau apéro, on va dire. Il y a des fraises, des cacahuètes et surtout de la suze et plein de verre. Et donc, on est avec Pierre Bastien et Louis Laurin qui avaient joué hier soir à 20h dans la grande salle à Archipel. Donc, bonjour. Bonjour. Bonjour. Et donc on vous retrouve. Ma première question, c'est pourquoi de la suze de si bon matin? Parce qu'un des animateurs de votre radio a insisté il y a deux jours quand il m'a vu pour que j'en amène. J'en avais pas amené et comme j'ai trouvé un filon pour en récupérer. Mais je dis pas parce que c'est un peu illégal. Il y a eu un traversée d'un pays à l'autre, je crois. Voilà, ce qui a aussi été un des nombreux, un des sujets dont on a parlé de nombreuses fois, la traversée des frontières. On peut peut-être parler de votre projet avant de parler de la suze et puis de ses qualités organoleptiques. Donc le projet que vous avez présenté hier soir en duo s'appelle CNT. Et puis sur le programme CNT, ça renvoie à plusieurs choses. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des différentes choses auxquelles renvoie cette abréviation? D'abord, c'est l'abréviation sur les pochettes de disques de l'instrument qu'on joue tous les deux, le cornet à piston. Et puis, il s'est trouvé que un ami de Louis nous a pris en photo dans un lieu qui s'appelle, qui est le lieu de la CNT, c'est-à-dire ce syndicat anarchiste espagnol dont les membres ont libéré Paris en 1945. Ce sont les membres de la CNT qui sont entrés les premiers dans Paris. Et ce lieu est très délabré dans le 11e arrondissement, c'est ça ? Au 20e. 20e, ouais. Oui, à l'orée du 11e. Et très délabré, il va être remis à neuf, je crois, par la municipalité socialiste. Enfin. Donc, donc tout ça est un peu émouvant. Par le simple biais de trois lettres de l'alphabet, on se retrouve porté à la fois dans le domaine musical et dans le domaine anarcho-historique. Qui nous intéresse à tous les deux. Oui. Ben justement, est-ce que dans votre musique, on peut dire qu'il y a une forme de souffle anarchiste ou anarchique qui le traverse? Je crois que c'est évident, non? Oui, mais... Moi, j'ai beaucoup de mal à faire des parallèles entre ma musique et la politique. C'est pas de la politique, c'est l'état d'esprit. Un état d'esprit, ouais. Disons que oui, j'espère. Je pense que ça pourrait être encore plus anarchique. Je crois que c'est notre objectif avec ce duo qu'on fait. On a fait notre premier concert hier. On a travaillé un petit peu avant, on a beaucoup travaillé. Et maintenant, il faudrait qu'on arrive à passer tout ce travail à la moulinette du concert et puis faire en sorte que pouvoir prendre le plus de risques possible et que on arrive vraiment à une vraie organisation anarchiste, anarchique, chaotique, tout ça, le plus, mais toujours en essayant de faire quand même des prestations écoutables, quoi. Et en étant un peu apolitique. Mais en tout cas, il y a énormément de liberté. Et moi, les mots qui me viennent, c'est ludique. Et en fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour dans votre travail. Et donc, je ne sais pas, vous, est-ce que c'est quelque chose justement que vous conscientisez ou que vous formulez, de vous dire qu'il y a de l'humour dans votre travail et comment vous jouez justement? Moi, je pense que l'humour vient d'une espèce de dérision par rapport à peut-être la musique avec un grand M, ou en tout cas l'apprentissage avec un grand A de cette musique. Quand je vois Louis jouer du cornet et trouver et réinventer l'instrument en simplement dévissant une partie de l'instrument, une infime partie de l'instrument. Et enfin, je trouve cette manière de faire radicale et très, très, très efficace. Et donc, par des moyens assez simples et des moyens de jeu, c'est-à-dire jouer avec les éléments qu'on a à notre disposition dans ce petit instrument, qui est une sorte de petite usine avec plein de tuyaux et des pistons. Donc, réinventer l'instrument et lui faire jouer des sonorités qu'il n'était pas destiné à jouer au départ. C'est-à-dire que je crois que c'est Adolf Sax qui a mis des pistons sur un clairon, non ? Enfin bref, toujours est-il qu'au départ, c'était fait plutôt pour faire des grandes sonneries, peut-être un peu militaires, et puis on en fait autre chose. Et le côté ludique, juste un tout petit... Hier, je me suis plaint après le concert, mais toujours de manière un petit peu ironique, un ami qui est à Genève, qui s'appelle D'Incise, que les gens connaissent, en lui disant, mais moi hier, quand je jouais, le seul moment où j'improvisais vraiment, dès que je faisais un bruit, tout le monde rigolait. Je lui ai demandé comment il faisait lui pour que pendant ses concerts, personne ne rigole. Il m'a dit qu'il fallait ressembler à un poète dépressif. C'est ça. Connaissant D'Incise, voilà. Il y a quelque chose qui s'impose de lui-même dans sa manière d'être. Voilà. Je pense que les gens sont, ils voient la tête qu'on a, même la façon dont on joue, et après... C'est ça, il faut masquer une forme d'enthousiasme, peut-être. Voilà. Mais justement, il y a une approche de détournement un petit peu technique de l'instrument. Enfin, vous parliez de dévisser des éléments, de créer des extensions. Et puis, enfin, de trouver des nouveaux sons, et puis peut-être des nouveaux comportements. Enfin, comment ça se passe concrètement quand on le fait à deux ? Est-ce que dans le travail, comment est-ce qu'on passe finalement d'une sorte d'exploration à quelque chose qui devient une réelle création ? Vous parliez aussi d'improvisation. Comment ça se passe dans le travail ? Bah, très très concrètement, quand on a décidé de faire ce travail avec Pierre en duo, Pierre, il a directement pensé, au lieu d'apporter une machine, ce qu'il joue habituellement, en plus de sa trompette, il s'est dit, je vais pas apporter de machine, je vais fabriquer des sourdines, qui seraient des sourdines, on va dire, mécanisées. Quoi. Donc ça, c'était la première chose, et moi, en gros, j'ai pas vraiment changé ce que je fais en solo, à part le contenu de ce que je fais en solo, mais les outils que j'utilise sont les mêmes, on va dire. Et donc Pierre, quand il a inventé une série de sourdines, il y en a combien ? Je sais pas, 7, 8, 9 ? Oui, j'en ai utilisé même moins, pas le temps de les utiliser toutes. Et du coup, il faut quand même, c'est des sourdines qui à la fois ont un son spécial et aussi elles ont un aspect visuel. Donc il faut quand même le temps que Pierre mette sa sourdine, que sa sourdine actionne sa sourdine, qu'elle puisse être entendue et vue. Et du coup, à partir de ça, on a construit quand même la musique à partir de ça. Pierre m'avait envoyé des petites vidéos de lui qui les jouait. Moi, je les ai écoutées, j'ai commencé à réfléchir un petit peu qu'est-ce que je pourrais faire avec. On s'est vus, il a joué ses sourdines, moi j'ai joué un peu avec. On s'est dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien. On a essayé d'organiser, après... C'était vraiment très, très simple, mais il y a quand même cette contrainte, quand même, on ne peut pas juste improviser tout ce qu'on veut pour l'instant, parce qu'il y a qui est une belle contrainte, moi je trouve, une latence. Quoi. Et voilà. Puis justement, vous parliez de cet aspect un petit peu visuel, et puis pour le concert d'hier, il y a aussi l'utilisation de la vidéo. Est-ce que c'est une contrainte supplémentaire ? Enfin, comment est-ce qu'on travaille en fait avec ça ? En ce qui me concerne, je n'arrive pas à jouer de la musique uniquement, ou uniquement jouer de la musique, ou comment dire, à intervenir en public uniquement dans le domaine sonore. J'ai joué en 50 ans, j'ai joué une seule fois pour des aveugles. Donc les gens qui viennent écouter un concert ont des yeux, et j'aimerais bien enfin, j'aime toujours solliciter ses yeux, pas que les oreilles. Et donc, il y a toujours... Bon, ajouter à ça, peut-être une timidité qui fait que j'aime bien aussi que les gens ne centrent pas leur regard sur le musicien ou les deux musiciens, mais qu'il y ait autre chose à apprécier dans le concert. Mais l'élément visuel est important. C'est-à-dire qu'en 1983 ou 1984, est paru un livre qui s'appelle « Images of Sound » où il est... Le principe de la théorie de base de ce livre, c'est que il n'y a pas de frontière entre les arts. Quand on est artiste, on peut agir dans tous les domaines. Et j'adhère à ça tout à fait. Oui. Aucune frontière. Et donc, moi, pour ma part, en tout cas, quand je pense à un prochain concert, je le pense toujours dans les deux. Dans les deux domaines, visuel et auditif. Et Louis Laurin, est-ce que c'est Pierre Bastien qui t'a emmené comme ça sur le chemin du vice visuel, ou est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi et qui fait partie déjà un petit peu de ton travail ? Alors, ça faisait pas partie de mon travail du tout. Néanmoins, j'ai quand même toujours été relativement à l'aise quand je faisais des concerts pour, par exemple, parler pendant mes concerts, en solo, ou même pendant longtemps, je jouais dans un big band de jazz où se présentait, j'étais le monsieur loyal de l'orchestre. C'est pas quelque chose qui me dérange du tout, et bien au contraire, donc, c'est pas forcément l'aspect visuel, mais pour moi, c'est l'aspect, on va dire, performatif, qui va au-delà de la musique. Je me sens bien, même quand la musique s'arrête. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que parfois les gens rigolent et tout ça, parce que peut-être le prolongement du geste, à la base, il est très sérieux et très... C'est quelque chose que j'ai que je fais pour le son, mais je vois des fois un peu l'absurdité du son qui sort ou du contexte, et peut-être que par un certain aspect de ma personnalité, je le joue peut-être comme un acteur, quoi, je sais pas, mais c'est pas... C'est juste une... Je pense que c'est le geste musical qui dépasse un petit peu. Et du coup, c'est en ça que je ne me sens pas complètement éloigné de ça. Mais c'est la première fois que je travaille avec de la vidéo. Mais ce qui est bien, c'est que c'est hyper simple. C'est-à-dire que j'ai une caméra posée sur mon micro de trompette. Et en gros, quand j'approche ma trompette du micro... En fait, c'est les sons proches sont filmés proches. Les sons loin sont filmés loin. C'est comme un micro, mais visuel. Voilà. Oui, il y a un parti pris de simplicité, de toute c'est façon. C'est extrêmement simple. Et en plus, la qualité de ces caméras de surveillance minuscules, avec un grain bien... pas terrible, quoi. Enfin, c'est de basse définition, disons. Donc, c'est très simple. Ouais. Et est-ce qu'il y a l'idée d'un enregistrement à la suite de votre collaboration ? Et donc, si enregistrement il y a, est-ce qu'il y a l'idée aussi d'intégrer encore une fois la vidéo dedans ? Ou tout d'un coup, là, on reviendra à quelque chose essentiellement pour les oreilles ? Oui, les disques se fait pour les oreilles. Quand l'auditeur d'un disque, il est un peu dans la caverne de Platon, il doit imaginer à partir des sons, pas à partir des ombres, mais à partir des sons, il doit imaginer ce qui se passe. Moi, je trouve cette situation très intéressante aussi. Donc, on va faire un disque, on ne sait pas quand. Mais on sait où l'enregistrer. Mais par contre, ouais, on sait où l'enregistrer. Par contre. Et où ? Outre-Manche. Ah, voilà. Et puis tout à l'heure, tu parlais de ta présence dans un big band. Et puis moi, je me posais la question comment finalement votre duo et votre musique s'inscrit peut-être aussi un petit peu dans l'histoire de cet instrument. Est-ce qu'il y a encore une référence au jazz ou finalement à des musiques de répertoire que vous suggérez peut-être ou que vous, enfin, à partir desquels vous vous déviez, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, un travail qui est vraiment inhérent à ce qui s'est produit entre vous avec ce travail un petit peu plus d'extension Moi, je pense qu'on a une passion commune avec Pierre pour le jazz. On aime cette musique, on l'écoute. Après, on a aussi chacun une histoire personnelle avec le jazz, qui fait qu'à un moment donné, il y a des choses dans le jazz qui ont cessé de nous intéresser et d'autres qui continuent de nous nourrir. Et après, ce que je trouve assez simple, moi c'est en, même, enfin je vais même prendre le truc avant. La première fois que j'ai vu Pierre jouer en solo, sa machine et tout ça, j'avais vraiment l'impression qu'il essayait de faire du jazz et qu'il n'y arrivait pas. Enfin, c'est même pas ça. Enfin, qu'il essayait de faire du jazz, c'est ça que je trouvais bien en fait. C'est-à-dire qu'il, j'avais l'impression qu'il pensait vraiment comme un jazzman, mais qu'il avait fabriqué un instrument qui pouvait pas faire, ça pouvait pas vraiment faire du jazz du tout. Et c'était très intéressant en fait. Je trouvais que la démarche était super. Mais et en discutant avec lui, je me suis dit ouais, en fait, c'est ça qu'il essaie de faire. C'est bien. Et par un autre, ça déforme la musique. Je crois qu'ils ont tous fait ça. Dizzy Gillespie voulait jouer comme son oncle, je crois, Roy Eldridge. Et c'est comme ça qu'il a inventé le bebop, donc une déviation du jazz. Je crois que ça s'est toujours passé comme ça. Et moi, j'ai beaucoup aimé, et j'aime toujours beaucoup, tous les débuts du jazz où les trompettistes, justement, et tous les instrumentistes essayaient de trouver des techniques. Ils n'étaient pas allés, ils n'avaient pas fait des écoles. Ils voulaient faire une musique qu'ils n'appelaient pas du jazz, mais honky-tonk, qui devait être l'opposé, aller dans la direction opposée à celle qui était jouée à l'opéra de la Nouvelle-Orléans. Et donc, ils mettaient un kazoo dans le pavillon. Tout ça en 1900, hein, en 1900-1910, avant même que le disque fasse état de leur découverte. Ces musiciens racontent qu'un de leurs prédécesseurs, un trompettiste, jouait la trompette dans un seau d'eau. Moi, j'ai joué dans un verre d'eau hier. Oui, je me sens très très proche de cette manière de faire. Oui, je me demandais justement si on pouvait peut-être écouter. En fait, on n'a pas de musique de votre. Enfin, on n'a pas d'extrait de votre collaboration, mais on a des extraits. D'un travail de Pierre Bastien, et peut-être avant de terminer, est-ce qu'on n'en écouterait pas un petit bout ? Volontiers. Volontiers. Ma foi. Bastien, Louis Lorrain, merci beaucoup pour cet entretien et merci beaucoup pour cette Suze qui ravit toutes les personnes autour de ce plateau. Et qui continue de ravir son fabricant. Et son meilleur client ou son meilleur apôtre. Son seul client, puisque son c'est un produit client. Gratuit. Ah voilà, pas destiné à la vente. Ah, je suis le seul à avoir payé alors. Consommation personnelle. Très bien.